إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc au dernier cours on a expliqué des choses qui ont rapport avec les différentes formes d'adoration. On est en train de parler de ça, puis on a parlé de trois d'entre les adorations, c'est-à-dire l'islam, l'iman ou l'ihsan, et on a expliqué ce sont les degrés de la religion. On est arrivé à un point où le cheikh explique, il dit « وَهُنَا سُؤَالٌ يَأْتِي عَنْ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَمَعْنَا كُلُّ رُكْنٍ مِنْهَا وذكر شيء من ثمراتها. Donc on a dit que c'est le cours 29. Donc le cheikh dit, on va poser maintenant une question. Et la question c'est par rapport aux piliers de l'islam et la signification de chacun de ces piliers, et la mention également de quelques fruits de ces piliers-là. Quelques fruits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui découle, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qui arrive comme résultat du fait d'appliquer ces piliers. Et le cheikh, il donne la réponse. Il dit, « وَالْجَوَابْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهَا خَمْسَةَ شَهَدَتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Donc la réponse, c'est comme ça a été mentionné dans le hadith de Jibril au sujet des piliers de l'islam, qu'ils sont de cinq. Il y a cinq piliers de l'islam. Le premier, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième, c'est d'établir la salat. Le troisième, c'est de donner la zakat. Et le quatrième, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Et le cinquième, c'est de faire le hajj à la maison d'Allah, al-haram, pour celui qui en a la capacité et qui est capable. أما معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لله كلها لله وهذان المعنيان هما ركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات وقد سبق معنا أن أن لا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات والنفي يؤخذ من قوله ومن قولك لا إله والإثبات يؤخذ من قولك إلا الله. Donc le cheikh explique, il dit, en ce qui concerne le premier pilier, c'est-à-dire le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien ça implique que on nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On nie et on rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et on affirme toute l'adoration à Allah seul. On nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et on affirme l'adoration tout entière à Allah seul. Et ces deux significations-là, c'est-à-dire l'affirmation de l'adoration à Allah seul et la négation de l'adoration pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, ces deux significations-là sont les deux piliers de la ilaha illallah. La ilaha illallah, le témoignage de la ilaha illallah a deux piliers. Ces deux piliers-là sont l'affirmation et la négation et l'affirmation. Ces deux-là ensemble sont les deux piliers de la ilaha illallah. Donc si quelqu'un vous demande la question, quels sont les deux piliers de la ilaha illallah, eh bien, tu dois répondre que les deux piliers de la ilaha illallah, c'est l'affirmation et la négation. L'affirmation et la négation. Le cheikh, il dit, quand tu dis la ilaha illallah, c'est deux, ça comprend deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation, c'est quoi? C'est quand tu dis la ilaha. Quand tu dis la ilaha, tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et l'affirmation, c'est pris de la partie, quand tu affirmes, tu dis illallah, c'est-à-dire accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien ne mérite d'être adoré, ça c'est la négation. Accepter Allah, ça c'est l'affirmation. Yarhamukallah. Ces deux piliers-là sont les piliers du témoignage de la ilaha illallah. Wa amma ma'na shahadat anna Muhammadan Rasulullah, فهو طاعته فيما أمر وتصديقه في الأمور كلها وتنحصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Donc le cheikh explique, il dit que la signification du témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est l'obéissance du messager dans ce qu'il a ordonné et de croire en ce qu'il nous a dit, dans toutes les choses qu'il nous a données comme information et dans toutes choses qu'il nous a informées, et ça se limite à le suivre, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et il mentionne un exemple de ça dans le verset 12, dans Surat At-Tahabun, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et obéissez à Allah, il dit ce qui signifie, et obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. C'est-à-dire, si vous vous détournez, eh bien, il n'appartient uniquement à notre messager que de transmettre clairement, ou de faire une transmission claire du message. Donc, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset ici. كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ بِمُتَابَعَتِهِ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنَ الشُّؤُونِ وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْهِدَايَةِ وَالْفَلَاحِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre dans toutes choses. Et il a mis comme résultat du fait qu'on le suive, qu'on allait avoir la guidance et qu'on allait avoir la réussite. La réussite aussi. Le verset 158 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et suivez-le pour que vous puissiez être bien guidé. Et suivez-le, c'est-à-dire suivez le messager, pour que vous puissiez être bien guidé. Donc ça, c'est la signification du témoignage de la ilaha illallah. Que rien ne doit être adoré, excepté Allah, hein, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, et de suivre le messager, et de croire en ce qu'il nous a donné comme information, de lui obéir dans tout ce qu'il nous a ordonné de faire et de nous abstenir de tout ce qu'il nous a interdit et d'adorer Allah par ce qu'il nous a montré uniquement et de ne pas adorer Allah par des innovations. Ça c'est ce qui est impliqué par ce principe, yani c'est le témoignage de la ilaha illallah, les deux aspects. Ensuite, le cheikh il dit, ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تحرير القلب والنفس من التعلق بالمخلوقين والاعتماد عليهم في جلب المصالح ودفع المضار. Donc parmi les fruits qu'on peut tirer de ce grand pilier, qui est le plus grand de tous les piliers de l'islam, le premier, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, eh bien, il y a les suivants. Le cheikh, il mentionne, il dit, premièrement, que on est libre, notre cœur et notre esprit est libéré du fait de s'accrocher à des créatures. On va être libéré du fait de s'accrocher, de se rattacher à des créatures, hein, et de dépendre d'eux dans le fait de ramener du bien et de repousser du mal. Donc tu vas pas te baser sur des créatures pour essayer d'obtenir un bien ou de repousser un mal, comme le font les mouchriquines qui dépendent sur leurs idoles, qui dépendent sur leur pot de bonheur, qui dépendent sur les croix, les statues, les images, les saints, hein, et sur toutes sortes d'autres objets ou choses pour essayer de ramener un bien et repousser un mal quelconque. Donc ton cœur, il est libéré de ça. Et ton cœur, il s'attache uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Deuxièmement, « وَثَانِيًا سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ إذ لا سعادة للإنسان البشري في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا حقق إسلامه على الوجه الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc deuxièmement, tu vas parmi les fruits de ce pilier qui est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième exemple ici, c'est que tu vas obtenir le bonheur dans les deux mondes, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit que, parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'être humain, dans cette dunya, dans son barzakh et dans l'au-delà, après la résurrection, excepté si cet être humain a réalisé son islam de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué et clarifié aux gens. Ensuite, il passe au deuxième pilier. Amma ma'na as-salat fi al-lugha fa hiya ad-du'a kama qala ta'ala wa salli alayhim ay ud'u lahum. Donc le cheikh explique que la salat, elle a une signification dans la langue arabe et ça signifie l'invocation, ad-du'a. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans sourate At-Tawbah, il dit wa salli alayhim. Hein? C'est-à-dire invoque Allah pour eux. Et il dit dans la religion, il dit wa fi shar' at-ta'abbud lillah bifi'liha mashuban bin niyyah al-khalisa على الكيفية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهي أقوال وأفعال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Donc le cheikh il explique que dans la religion, la définition islamique ou religieuse du mot salat, c'est l'adoration d'Allah, hein, c'est-à-dire d'adorer Allah en faisant cette salat, tout en accompagnant cette salat d'une intention pure et sincère, selon la manière qui a été expliquée et clarifiée par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par sa parole aussi, lorsqu'il dit par exemple dans le hadith rapporté par Al-Bukhari qui est authentique, qui dit priez comme vous m'avez vu prier, sallu kama ra'aytumuni usalli. Et la prière est composée, la salat est composée de paroles, d'actions, hein, et yani le cheikh dit af'al wa a'mal. Af'al wa a'mal. En arabe, en fait, c'est des synonymes. Af'al et a'mal, c'est la même chose. Af'al, c'est des actions, puis a'mal, c'est des actions aussi. Et que ça débute par le takbir, et ça termine par le taslim. Donc le premier, comment tu rentres dans la salat, c'est quand tu fais takbiratul ihram. Tu lèves tes deux mains, et tu fais Allahu Akbar. Hein? Tu lèves tes deux mains, et tu dis Allahu Akbar, et ça c'est ce qui te fait entrer dans la salat. Puis qu'est-ce qui te fait sortir de la salat? C'est lorsque tu termines à la fin, tu termines en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça te fait sortir de la salat. Hein? Donc c'est ça la définition de la salat, et c'est ça la salat. On en a déjà parlé. Hein? Donc le cheikh il explique, il dit wa hiya min a'zami arkan al-islam ba'da ash-shahadatayn wa laha thamaratuha wa minha. Donc c'est le plus grand pilier de l'islam après les deux témoignages, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et yani, elle a des fruits, elle produit des fruits et des résultats, et parmi ces fruits là il y a les suivants. أولا انشراح الصدر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. Donc parmi les fruits de la salat, c'est qu'elle expand, elle fait ouvrir la poitrine de quelqu'un. C'est-à-dire que si la personne elle se sent triste ou malheureuse, ou bien que la personne elle a des soucis, ou elle est déprimée, ou des choses comme ça, eh bien, le fait de faire la salat, c'est quelque chose qui va yani, lui faire se sentir le cœur plus ouvert, le cœur plus joyeux, qui va le calmer, qui va le détendre. Et donc, l'exemple que le cheikh il a mentionné ici, c'est la parole, lorsqu'il a dit à Bilal, Ibn Abi Rabah, il a dit, ya Bilal, établis la salat, c'est-à-dire, fais l'iqama, fais l'iqama de la salat pour que on puisse prier et repose-nous par celle-ci. Arihna biha. Repose-nous par celle-ci. Amène-nous par celle-ci du repos. Parce que la salat, c'est quelque chose qui nous ramène du repos dans notre âme et dans notre cœur. Et n'importe qui peut faire l'expérience de ça. Si un jour, par exemple, quelqu'un se sent triste ou il a des soucis, des malheurs, il est contrarié, ou bien il se sent stressé ou n'importe quelle situation qu'il peut avoir qui le fait sentir mal, eh bien, il fait son wudu, il va à la mosquée, il prie dans la mosquée, il fait la salat et il se sent mieux. Il se recueille devant Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque son créateur, il demande à son créateur le pardon, il demande à son créateur la miséricorde, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, il se prosterne avec ceux qui se prosternent. Tout ça, ça lui ramène de la paix dans son cœur et de la tranquillité. Et ça le repose. Deuxièmement, ثانياً هي قرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع أتباعه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. Donc le cheikh explique que parmi les fruits de la salat, c'est que c'était considéré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux, c'est-à-dire la chose qui avait la plus grande importance et la plus grande valeur pour lui, et pour tous ceux qui le suivaient. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ju'ilat qurratu ayni fi salat ». Donc c'est comme moi je traduis ça par la prunelle de ses yeux, mais c'est dans le sens que c'est quelque chose qui le réjouissait. C'est quelque chose qui le réjouissait, qui le rendait heureux, et il aimait faire la salat. C'était la chose la plus précieuse pour lui. Ensuite, il mentionne comme fruit pour la salat, il dit « Wa hakadha min thamaratiha wa fawaidiha » الانزجار عن الفحشاء والمنكر كما قالت كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. De même que parmi les fruits et les bienfaits de la salat, c'est qu'elle va t'écarter des turpitudes et des choses qui sont condamnables, des choses mauvaises. Tout ce qui a rapport avec les péchés, les mauvais comportements, les mauvaises paroles, les turpitudes, tout ce qui est, toutes ces choses-là, eh bien, ta salat, elle va t'en écarter, elle va t'interdire de les faire. Hein? Parce que tu es toujours entre deux prières, donc tu penses toujours à te préparer pour la prochaine prière, donc tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45, dans surat Al-Ankabut, hein? La surat de l'araignée. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna salat tanha anil fahshay wal munkar » C'est-à-dire la salat, elle interdit ou elle t'arrête de faire des turpitudes et des choses condamnables, des choses mauvaises. Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec la salat. Maintenant en ce qui a rapport avec la zakat, hein, le cheikh il mentionne, il dit وهي أما معنى الزكاة وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة في اللغة فهي النماء والتطهير. Donc le cheikh dit la signification de la zakat, c'est le troisième pilier et c'est le compagnon de la salat, hein, parce que souvent quand vous allez lire le Coran, vous allez réciter les versets qui parlent de la salat et souvent Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner la zakat accompagnée de la salat. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, « Wa aqimu s-salata wa atu s-zaka » Hein? Souvent tu trouves ça. « Aqimu s-salata wa atu s-zaka » Toujours, après la salat, toujours la zakat. Donc c'est comme si c'est son compagnon. Ça vient ensemble. Et c'est donc, dans la langue arabe, la signification linguistique du terme zakat, c'est « annama » Ça veut dire annama, ça veut dire l'augmentation ou la croissance, et at-tathir, ça veut dire la pureté, hein, la purification. Donc quand tu fais la zakat, en fait tu donnes ta zakat, tu purifies tes biens et tu le fais croître, tu le fais grandir, tu fais augmenter ton bien, alors que pour certains ils pourraient s'imaginer que c'est quelque chose qui diminue tes biens, hein? Alors que ce n'est pas le cas. Et le cheikh il explique que dans la religion, la définition du mot zakat, c'est la suivante. Il dit وَفِي الشَّرْعِ هِيَا التَّعَبُّدْ لِلَّهِ بِإِخْرَاجِ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ حَدَّدَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمِ. Donc ça c'est une définition, hein, qui dit que la zakat c'est quoi? C'est une adoration pour Allah premièrement, donc tu le fais pour adorer Allah, en faisant sortir un bien spécifique, particulier, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel bien, c'est une sorte de bien bien spécifique, min malin marsousin, donc c'est pas n'importe quelle somme d'argent, c'est une somme d'argent particulière, que tu fais sortir d'un bien particulier pour un groupe de personnes particulier aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas à n'importe qui que la zakat est donnée, elle doit être donnée à un groupe en particulier. Ceux qui méritent la zakat. Et ils sont mentionnés dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, et si je ne me trompe pas, c'est le verset 60 dans Sourate At-Tawbah. Ça dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ça c'est les huit catégories que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et qui nous ordonne de donner la zakat à ces gens-là. Hein? Et il dit ensuite que c'est dans un moment ou dans un temps qui a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, le sage. Donc le législateur sage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le temps qui a été déterminé, c'est-à-dire, il faut que ça fasse une année complète que tu n'as pas touché à cet argent-là. Donc, la valeur de cet argent, comme les ulama ont expliqué, il faut que ce soit une somme d'argent qui ait dépassé 85 grammes d'or, la valeur de 85 grammes d'or. Et 85 grammes d'or, vous pouvez savoir combien ça vaut en allant sur les sites de la bourse. Vous allez voir combien vaut 85 grammes d'or en dollars canadiens, par exemple. Et donc, quand vous avez la valeur de 1 gramme d'or, eh bien, vous avez juste à faire le calcul. 1 gramme d'or égale à tel montant, on va dire 45 dollars. Donc, si tu fais 45 dollars fois 85, ça te donne la valeur du nisab, la valeur du montant limite. Que si ton argent arrive à cette valeur, 85 grammes multiplié par 45 dollars, si c'est, ça c'est un exemple que je donne, selon la valeur du gramme de l'or. Non, parce que le commerce aussi c'est basé sur l'or. Donc ils vont payer la zakat sur qu'est-ce qu'ils ont sur leurs étagères à vendre. Hein? Non. C'est qu'est-ce qu'ils appellent. Donc, il y a des zakats sur ça, sur leurs marchandises à vendre. Et il y a la zakat sur les récoltes des fruits secs et des céréales, des choses qui se préservent. Et il y a la zakat aussi sur. L'argent et l'or que quelqu'un possède, et il y a la zakat sur aussi les bétails. Si quelqu'un a du bétail comme des vaches, des moutons, des chameaux, hein. Et il y a aussi la zakat sur il y a des zakats sur lesquels il y a des savants qui sont pas tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des divergences d'opinion par rapport à certaines choses sur lesquelles on doit payer de la zakat. Certains savants disent oui, il faut, d'autres disent non. Et chacun, ils ont des éléments, des preuves qu'ils ramènent, comme par exemple les bijoux des femmes. Est-ce que les femmes qui ont des bijoux, elles doivent payer la zakat sur ces bijoux-là ou non? Ou bien d'autres questions comme ça, le miel. Est-ce qu'il y a la zakat sur le miel, oui ou non? Donc ça c'est des divergences. Ou bien qu'est-ce que tu as mentionné, urud at-tijara, ça aussi ça fait partie des choses. Des fois il y a certains ulama qui divergent sur certains aspects de ça. Toutefois l'argent, les bétails et les récoltes, ça c'est clair. Et il faut que cet argent-là tu l'aies pendant plus qu'un an sans y avoir touché. Et tu dois donner sur cette somme 2,5%. 2,5% de cet argent-là. D'accord? Et c'est ça ta zakat. T'as donné ta zakat pour cette année-là. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que tu dois le donner à une des 8 catégories, c'est-à-dire les pauvres, les indigents, les voyageurs, les gens qui sont lourdement endettés, les gens qui travaillent pour récolter la zakat, ainsi de suite. Donc les 8 catégories dans le verset 60 dans sourate At-Tawbah sont mentionnées. Le cheikh il dit wa min thamarat al-iman bihadha ar-rukn awwalan tathhir an-nafs min radilat ash-shuh wal-bukhl idh huma khuluqan ذميمان في كل شريعة من شرائع الله. Donc le cheikh il dit parmi les fruits de la foi en ce pilier là, il y a premièrement que ça te purifie ton esprit, ou ça purifie ton âme des saletés de l'avarice. Hein? De l'avarice et le fait d'être pingre et avare, ne pas vouloir partager ou donner. Parce que ces caractéristiques-là sont des caractéristiques blâmables dans toutes les législations d'Allah. Deuxième fruit de la foi en ce pilier, le cheikh il dit ثانياً تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. تدعيم الإنسان تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. C'est-à-dire que lorsque tu vas donner ta zakat, ça va aider l'islam, hein, parce que tu vas donner de l'argent aux musulmans, tu vas renforcer les musulmans et l'islam, et tu remplis leurs besoins des musulmans. Le point numéro 3 que le cheikh a mentionné, il dit tanmiyatun lil mal lil muzakka fama naqasa malun min sadaqa bal yazid. Donc le cheikh il dit également le troisième point, c'est que ton argent qui a été purifié parce que tu as donné ta zakat sur cet argent là eh bien elle va augmenter ta richesse parce que tu as payé ta zakat. Et le cheikh dit il y a aucun bien, je dis le mal en arabe, mal en arabe ça veut dire les biens, la richesse. Donc il n'y a aucune richesse qui est diminuée par une sadaqa. Au contraire même, ça fait augmenter ton bien. Donc toi tu crains la pauvreté ou tu crains de faire baisser ta richesse en donnant ton argent, alors que au contraire, le fait de donner cet argent pour Allah, ça l'augmente ta richesse, ça va faire augmenter ta richesse. Hein? Donc tu ne dois pas craindre la pauvreté, hein? Et tu ne dois pas laisser la crainte de la pauvreté t'empêcher de donner pour la cause d'Allah et de donner la zakat. Le cheikh il dit ensuite « Wa amma ma'na s-sawm fi l-lugha fa huwa l-imsak an shay'in ma » Hein? Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le jeûne, hein, as-sawm, en arabe c'est as-sawm, ça veut dire dans la langue arabe al-imsak, hein, an shay'in ma, c'est-à-dire ouais c'est ça, c'est pas permis de donner ta zakat aux mosquées dans le sens que il y a des gens qui donnent leur zakat aux mosquées et les mosquées eux ils vont la donner à des gens ou ils vont pas la donner à des gens, plutôt ils vont la donner ou ils vont l'utiliser pour autre chose que qu'est-ce qui a été prescrit par Allah pour faire par rapport à la zakat. Comme par exemple il y a des gens qui vont prendre la zakat dans les mosquées pour payer l'électricité ou pour payer l'eau ou les besoins de la mosquée ou autre chose. Et ça c'est pas permis parce que c'est pas pour ça que la zakat a été légiférée. Si tu veux donner sadaqa et que tu veux aider la mosquée, tu peux donner la somme que tu veux. Même si tu as 10 milliards de dollars, tu veux donner à la mosquée 10 milliards, donne 10 milliards, ça c'est ton choix. Mais la zakat, c'est la zakat. Et la zakat, tu peux pas la donner, excepté pour une des 8 catégories qui a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Et la première de ces 8 catégories-là, c'est les pauvres. Donc la zakat, en premier, c'est pour les pauvres. Et donc, tu dois, toi, donner ta zakat toi-même à ceux que tu connais ou à ceux que tu sais qui sont des gens qui n'ont pas suffisamment. Parce que les ulama ont expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin. Al-fuqara, les ulama ont dit, c'est celui qui n'a rien du tout. Il n'y a rien. Et al-masakin, c'est ceux qui ont un peu, mais c'est pas suffisant. Hein? Et yani, donc tu leur donnes de la zakat à ceux-là. Donc c'est pas pour donner à des mosquées ou à des écoles ou à des, yani, des trucs d'associations musulmanes ou des trucs comme ça, parce que tu sais jamais eux qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent. Peut-être qu'ils vont prendre l'argent, ils vont le mettre dans une boîte, ou ils vont mettre dans un compte de banque, ou ils vont faire quelque chose avec, puis ils vont mélanger l'argent avec d'autres argent, puis finalement ils vont oublier que c'était de la zakat, ou que c'était ça, ou ça, et là, finalement, ta zakat, elle n'aura pas été donnée comme il faut. Hein? Et donc, toi, tu penses que tu as rempli ton devoir envers Allah et que tu as donné ta zakat, alors qu'en réalité, ta zakat, elle n'a pas encore été payée. Et donc, tu risques de rester comme ça, pensant que tu as payé, alors que non. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner sa zakat à des mosquées ou des choses comme ça. Et il y a Cheikh Al-Fawzan qui a parlé de ça et beaucoup d'autres, ma chère, parmi les ulama. Non, là, tu payes pas tu vas pas payer le loyer de la mosquée avec la zakat. C'est pas permis. Ça, c'est parce que les gens, ils pensent que ils peuvent prendre la zakat pour payer le loyer de la mosquée. C'est ça le problème. Si ils pensent que c'est permis de payer le loyer de la mosquée avec l'argent de la zakat, c'est parce qu'ils ont pas compris à quoi ça sert la zakat. La zakat, c'est pour les pauvres. C'est pas pour payer les loyers de la mosquée. Donc, s'ils veulent payer, si quelqu'un il a de l'argent et il veut donner fisabilillah pour aider la mosquée, puis il veut que la mosquée, pour payer le loyer de la mosquée, il peut donner comme il veut, mais tu peux pas l'appeler zakat. Parce que ça, c'est une sadaqa normale. Et les gens doivent faire la distinction entre une sadaqa et la zakat. La zakat, c'est spécifique. C'est comme la salat puis le dua. Tu peux faire la salat, mais la salat, c'est 5 fois par jour. Tu ne vas pas faire, tu dis, je vais prier 3 fois salat al-asr. Tu ne peux pas prier 3 fois salat al-asr. Tu pries salat al-asr 1 fois, puis après c'est fini. Hein? Tu ne peux pas dire, je vais faire 4 maghrib aujourd'hui. Hein? Mais dua, tu peux en faire 100, 200, 300 dua comme tu veux. Il n'y a pas de limite. Et la zakat, c'est la même chose. La zakat, c'est un montant spécifique, à une période spécifique, donné à des gens spécifiques. Et ces gens-là sont définis. Maintenant, si tu prends cet argent-là, tu le donnes à d'autres, ou pour autre chose, alors ça ne compte pas comme zakat. Et tu ne vas pas avoir la récompense d'avoir payé ta zakat. Ta zakat doit être payée à ceux que Allah a ordonné de payer cette zakat. Sinon, c'est pas considéré comme une zakat, tu vas pas avoir la récompense. Donc, si tu veux donner une sadaqa, hein, tu veux aider la mosquée à payer son loyer, tu donnes de ton argent, il n'y a pas de problème, tu peux donner comme tu veux. Tu peux donner 20 dollars, tu peux donner 30 dollars, tu peux donner 100, 200, 300, 400, jusqu'à des millions, si tu veux, si tu en as, tu le fais. Mais ça, c'est pas la zakat. Tu comprends? Le verset 60, Allahu a'lam. Je ne sais pas, mon frère, par rapport à ça. De toute façon, dans l'islam, dans les pays musulmans, il n'y a pas de trésorier des mosquées. En principe, la mosquée n'est pas supposée de recevoir les zakats. Ça, c'est en principe, la mosquée n'est pas supposée de recevoir des zakats. Elle peut recevoir des sadaqats. Mais dans les pays arabes, dans les pays musulmans, c'est l'État qui s'occupe des mosquées en général. C'est l'État, ils ont un ministère. Et le ministère s'occupe des différentes mosquées, et c'est eux qui font l'entretien, puis qui s'occupent de mettre un imam, mettre un muadzin, et des choses comme ça. Ici, dans les pays comme en Occident ou autres, il n'y a pas de ministère des mosquées, donc chaque mosquée s'occupe d'elle-même. Et donc, c'est soit que ils ont de l'argent de la part des fidèles, qui viennent à la mosquée, qui donnent chaque semaine ou chaque mois, qui vont payer le loyer ensemble, hein, ou bien des fois c'est un bâtiment qui a été acheté, donc ils font juste ramasser de l'argent pour payer l'électricité ou des choses comme ça. Et donc c'est ça, en principe c'est comme ça. Non. Ben, ça dépend qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, on utilise un terme pour définir quelque chose, mais il faut voir comment ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne d'une manière qui respecte les règles de l'islam, dans ce cas-là, c'est correct. Mais il ne faut pas faire des choses qui sont contraires à l'islam, puis après, tu l'appelles, par exemple, finance islamique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses comme ça, comme on a mentionné hier. Hein, ils vont dire, par exemple, ils font quelque chose, puis ils font juste écrire dessus islamique, puis ils pensent que ça leur rend halal. Qu'est-ce qui est haram? Hein? Donc ça, c'est des ruses que certains utilisent. Donc, tant que c'est en accord avec l'islam et que ça ne contredit pas les principes et les règles de la charia, dans ce cas-là, oui, c'est correct. Mais si ça contredit les principes et les règles de la charia, dans ce cas-là, même si tu l'appelles islamique, ça ne veut pas dire que c'est correct. Naam. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est par rapport à la zakat. Maintenant, par rapport aux jeûnes, aux jeûnes du ramadan. Le cheikh, il dit, أما معنى الصوم في اللغة فهو الإمساك عن الشيء. C'est-à-dire que dans la langue arabe, le terme صوم signifie le fait de se retenir de quelque chose, hein, de se retenir. Et dans la législation, dans l'islam, ça veut dire, hein, وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية صيام من هذا رمضان. عبادة لله وامتثالا لأمره. Donc dans la religion, le terme somme signifie de se retenir de tout ce qui peut annuler le jeûne. Par exemple, le fait de manger, le fait de boire et le fait d'avoir des rapports sexuels durant le jour. Donc ça, c'est des choses qui annulent le jeûne. Donc, il faut s'abstenir de ça. Et il y a d'autres exemples aussi, des éléments que les ulama ont mentionnés dans cette catégorie-là ou dans ce contexte-là. Mais là, c'est juste pour résumer. Le cheikh dit donc de s'abstenir de tout ce qui brise le jeûne de quelqu'un ou qui casse le jeûne, et avec l'intention de jeûner. Donc, il faut qu'il y ait l'intention. Si quelqu'un n'a pas l'intention, ce n'est pas considéré comme un jeûne. Il faut avoir l'intention de que ce soit un jeûne pour Allah. Et il jeûne durant le jour, donc du lever du soleil au coucher du soleil, pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est le jeûne du Ramadan. Sinon, en dehors du Ramadan, on peut faire des jeûnes qui ne sont pas obligatoires, mais le jeûne qui est obligatoire, c'est pendant le mois de Ramadan. On ne peut pas faire le Ramadan dans un autre mois. Ramadan, c'est un mois spécifique pendant les mois de l'année du calendrier lunaire islamique. Et tu le fais par adoration pour Allah, en voulant implémenter et mettre en application son ordre. Hein, son ordre. Le cheikh dit, « Walahu thamaratun azima. » Et cette adoration-là, elle a un grand fruit. Elle a un grand résultat comme conséquence dans ta foi. وَهِيَ تَرْوِيضُ النَّفْسِ عَلَى تَرْكِ الْمَحْبُوبَاتِ وَالْمَأْلُوفَاتِ طَلَبًا لِمَرْضَاتِ اللَّهِ وَطَمَعًا فِي نَيْلِ ثَوَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc, c'est-à-dire que parmi les fruits, les grands fruits de cette adoration-là, c'est que, elle habitue ton âme et habituer ton âme à abandonner les bonnes choses, les choses qu'elle aime, pour rechercher l'agrément d'Allah et par espoir d'obtenir la récompense d'Allah au jour de la résurrection. Hein? Donc ça, c'est un grand fruit parmi les fruits du fait d'appliquer cette adoration-là. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa amma al-hajj » Et ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Le cinquième pilier de l'islam, c'est le pilier du pèlerinage, al-hajj. « Wa huwa al-qasd » Dans la langue arabe, le terme Le terme Hajj signifie le fait d'avoir une intention ou d'avoir comme but ou comme intention d'aller quelque part. Hein? Donc c'est ça le Hajj. Et ouais, dans la langue arabe, hu al-qasd, hein, c'est-à-dire d'avoir l'intention, hein, de vouloir aller vers quelque chose ou quelque part. Et dans la religion, dans la définition religieuse, le terme Hajj, ça signifie huwa qasdu baytillahi al-haram lil-qiyam bi manasik al-hajj wa ada'i jami'i sha'a'irihi wa lahu thamaratun minha. Donc le cheikh il dit que dans la religion, c'est le but de vouloir aller vers la mosquée d'Allah, la maison d'Allah, al-haram, et d'établir dans cette maison les rituels du Hajj et d'accomplir tous les rites reliés à cette adoration-là. C'est-à-dire, yani, de faire yani, tout ce qui a été ordonné dans ce pèlerinage-là. Si tu fais la Umra, donc tu vas faire le Tawaf, et puis tu vas par la suite faire le Sa'i, hein, entre Safa et Marwa, tu vas te tenir derrière Maqam Ibrahim et tu vas raser ou couper tes cheveux. Donc ça c'est la Umra, et puis après bon, il y a le Hajj. Et durant le Hajj, eh bien, tu vas à Mina. Et après tu vas aller faire Al-Jamarat, et puis tu vas aller après faire le Tawaf, et tu vas par la suite égorger, puis tu vas yani, couper tes cheveux ou raser tes cheveux, puis ainsi de suite, yani, tous les rites qui sont liés à ça. Tu vas porter, bien entendu, tu rentres dans les haram, tu vas porter les haram, et ainsi de suite. Donc parmi les fruits de du Hajj, il y a premièrement tarwid an-nafs ala bazl al-mal fi sabilillah, li'anna al-hajj min sabilillah. Donc tu t'habitues et tu te forces toi-même à dépenser de l'argent dans le sentier d'Allah. Et le fait de faire, pourquoi? Parce que le fait de faire le Hajj, ça fait partie du sentier d'Allah. Donc quand tu vas dépenser ton argent pour faire ton Hajj, eh bien, c'est une adoration, ça. Donc c'est une adoration qui n'est pas seulement physique, elle est aussi économique. Hein? C'est comme la zakat aussi. Tu dépenses ton argent pour la faire. Et deuxièmement, at-tadhiya bin-nafs fi jami'i ta'atillah. Donc c'est comme si, en même temps, comme deuxième bienfait aussi, c'est que tu te sacrifies dans tout. Et économique, financière. Parce que tu dépenses ton argent pour l'affaire. Et puis, le deuxième bienfait, c'est que tu fais un sacrifice de ta personne dans toutes les adorations d'Allah, dans tous les actes d'obéissance que tu fais pour Allah. Parce que quand tu fais le Hajj, eh bien, tu te sacrifies. C'est une adoration qui est très, très exigeante sur le plan physique, hein, et aussi sur le plan de l'âme aussi, de l'esprit. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de force, beaucoup de patience. Hein, il y a des gens qui vont te bousculer, il y a des gens qui vont te pousser, il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont... Ah oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont t'insulter même, hein, crier sur toi ou des choses comme ça. Donc toi, tu dois, dans toutes ces situations-là, garder ton calme, ne pas te mettre en colère, ne pas te fâcher, yani, être patient, garder toujours des bonnes paroles, et yani, tout ça, c'est des choses vraiment difficiles. Hein? parce que tu vas voir des choses que tu pouvais même pas imaginer dans le Hajj. Et oublie pas que tu vas être avec 2 millions ou 3 millions de personnes avec toi. Donc tu ne seras pas tout seul. Et donc ça veut dire qu'il faut doubler de patience, même plus que ça encore. Le cheikh il dit ensuite, « وبعد فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمدية كل صلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها فليتق العبد ربه وليحققها فإنها أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه ومفتاح أصيل لدخول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc le cheikh il dit, et ensuite donc ça c'est l'application physique, l'application en action de ces grands fondements de la religion dans la réalité de la vie des musulmans. Et ces piliers là lorsqu'on les applique, eh bien ça ramène dans la vie de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout le bien, tout le succès dans les affaires de la religion et de la dunya. Donc le serviteur doit craindre son Seigneur et il doit les accomplir et les réaliser parce que ce sont les fondements de sa religion et ce sont les choses qui préservent son saint, ses biens et son honneur. Et c'est ce qui représente la clé fondamentale pour rentrer dans le paradis. Le paradis dont la grandeur est plus vaste que les cieux et la terre, qu'il a préparé pour ceux qui ont la foi en Allah et en son messager. Voilà la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur d'une grâce immense. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué et a résumé par rapport à ça. Et il faut comprendre que les cinq piliers de l'islam, c'est pas tout l'islam au complet, c'est seulement les bases de l'islam. Après il y a tout ce qui est d'ordre des autres ordres religieux, de qu'est-ce qui est obligatoire, de qu'est-ce qui est aussi recommandé et de qu'est-ce qui a été interdit aussi dans le Coran et dans la Sunna. Donc il ne faut pas oublier ça et il ne faut pas penser que l'islam c'est seulement les cinq piliers, parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Si ça ne fait pas partie des cinq piliers, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui ne sont pas dans les cinq piliers qui sont obligatoires. Et ainsi de suite. Non. C'est vrai. Mais les ulama de tafsir, quand tu regardes dans l'explication, tu verras que sadaqat dans ce verset, ça veut dire la zakat. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que dans le Coran, sadaqat, ça peut vouloir dire zakat, ça peut vouloir dire sadaqat. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire, en fait, c'est que il faut distinguer entre les sadaqat que tu fais et la zakat qui est obligatoire. Puis des fois, il y en a qui font plein de mélanges comme ça. C'est à cause de ça, parce que les gens, ils ont pas bien étudié le sujet ou la question. Il y en a qui mélangent sadaqat al-fitr, ou zakat al-fitr, et zakat al-mal. Par exemple, zakat al-fitr, c'est une zakat que tu donnes à la fin du ramadan pour les pauvres, avant la prière de Eid. Donc, il y en a qui pensent que c'est ça la zakat de l'islam, qui fait partie des cinq piliers. Non, cette zakat-là, que tu donnes à la fin du ramadan, ça ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam. Et ce n'est pas cette zakat-là qui est un pilier de l'islam. Le pilier de l'islam qu'on appelle zakat, c'est de donner, comme on a dit, 2,5% de ton argent que tu as économisé, qui fait partie du surplus d'argent que tu as, que tu n'utilises pas, et que tu as gardé pendant une année au complet, et que tu vas donner de cette somme-là, il y en a 2,5%. Oui, mais c'est pour les riches. La zakat, c'est pour les riches. C'est les riches qui donnent. Si tu n'as pas, le nisab et que tu n'as pas économisé pendant une année cette somme d'argent sans y toucher, tu ne rentres pas dans la catégorie de ceux qui doivent donner la zakat. Donc ça, c'est un exemple. À partir de cette somme-là, si tu as plus que ça pendant un an que tu n'as pas touché, eh bien dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Si tu n'as pas cette somme-là, que tu n'as pas touché pendant un an, donc tu n'as pas de zakat à payer. Tu comprends? Mais si tu as gardé cette somme-là plus qu'un an et que tu n'as pas touché, tu dois donner de cette somme 2,5%. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. Mais si, comme tu dis, que les gens sont des consommateurs dans le sens qu'ils ont besoin de cet argent-là, donc ils ne peuvent pas l'économiser et qu'ils ne peuvent pas le garder, dans ce cas-là, eux ne rentrent pas dans ceux qui doivent payer la zakat. Ceux qui donnent la zakat, c'est ceux qui ont suffisamment d'argent pour être capables de garder cette somme-là de côté sans y toucher pendant un an. Donc ceux-là rentrent dans la catégorie qui sont obligés de donner la zakat aux pauvres. Mais eux, ils ont à donner. Tandis que ceux qui n'ont rien à donner, il y en a qui n'ont pas atteint cette somme-là, dans ce cas-là, eux sont excusés, ils n'ont pas de zakat à donner. Pardon? Oui, c'est ça. 25$ sur 1000. 2,5%, oui. Donc, c'est ça. Le cheikh, il dit ensuite, وذكر المؤلف رحمه الله بأن من أنواع العبادة الإيمان والإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين وأركانه وأركانه ستة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عليه السلام وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit que l'auteur il a également mentionné parmi les formes d'adoration al-iman, c'est-à-dire la foi, et c'est un des grands degrés également de la religion, et il est composé de 6 piliers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith de Jibril alayhi salam, qui est très célèbre. Et ces 6 piliers, c'est premièrement de croire en Allah, puis deuxièmement de croire en ses anges, troisièmement de croire en ses livres, quatrièmement de croire en ses messagers, cinquièmement de croire au jour dernier, sixièmement de croire en la prédestination de ce que Allah a décrété de bien ou de mal. Donc ça, c'est les 6 piliers de l'islam. Les 6 piliers de la foi. Al-Iman. Arkan, al-Iman. En arabe, on dit arkan ou l'Iman. Et le cheikh, il dit que وَلِكُلِّ رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ مَعْنًا يَنْبَغِي فَهْمُهُ. Donc le cheikh, il dit que pour chacun de ces piliers, parmi les 6 piliers, il y a une signification qu'il faut comprendre. Chaque pilier possède une signification qu'on doit comprendre. Le cheikh il dit Amma ma'na al-iman billah. Amma ma'na al-iman billah. فهو التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة كما يريد الله كما وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Donc le cheikh il explique que la signification de la foi en Allah, le premier pilier, c'est c'est de croire en son existence, de reconnaître premièrement que son existence est vraie et qu'il existe, et de déclarer explicitement sa seigneurie et sa souveraineté, et de reconnaître en apparence et intérieurement que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, hein, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Donc c'est al-uluhiyya. Et la foi de la manière véridique en ses noms et ses attributs, en ses beaux noms et ses attributs élevés, et de les mettre en application dans la vie, dans la réalité de la vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. C'est-à-dire que tu appliques la signification de ces attributs et de ces noms. Par exemple, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-basir, et bien tu agis en conséquence. C'est-à-dire que tu sais que Allah est al-basir. Donc tu vas l'adorer et tu vas agir d'une manière qui confirme que tu crois en ce nom et en cet attribut-là. Donc si par exemple, quand tu es avec les gens, tu obéis à Allah, puis quand tu es seul, tu désobéis à Allah, ça veut dire que tu n'as pas cru comme il faut en l'attribut et en le nom d'Allah, qu'il est al-basir et qu'il a l'attribut de al-basar, c'est-à-dire qu'il voit tout, hein, et qu'il a la vue. Donc il te voit quand tu es seul, même si tu es caché des êtres humains, mais lui il te voit partout où tu es, peu importe où tu es, hein. Et la même chose pour As-Sami', hein, il entend tout, qu'est-ce que tu dis, et même qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi-même, même qu'est-ce que tu dis à voix basse, qu'est-ce que tu dis en secret, il l'entend. Tu crois en ça, eh bien tu dois t'abstenir de dire des choses mauvaises ou de faire des choses mauvaises, parce que lui il t'entend partout, hein, peu importe que tu parles à voix haute ou à voix basse ou dans ton cœur, il l'entend. Et quand tu sais qu'il est, hein, Al-Alim, et ainsi de suite, donc tous ces noms et ces attributs, tu dois agir en conséquence. Et appliquer ça dans la réalité de la vie de tous les jours. De la même manière que, hein, tu dois, donc il dit, comme tu dois appliquer ça dans la vie, dans ta vie, comme Allah le veut, et comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a légiféré. Et il dit, وكما قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. C'est-à-dire, voici votre Seigneur, hein, voici Allah votre Seigneur, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Créateur de toutes choses, alors adorez-le, hein, alors adorez-le lui seul, il est, hein, et il a. Et il est garant de toutes choses. Et il est garant de toutes choses. Et il dit aussi, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Donc le verset précédent c'était le verset 102 dans sourate Al-An'am. Maintenant c'est le verset 163 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre Dieu, Ilahukum, votre Ilah est un Ilah unique. Celui que vous adorez, il est unique. Et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ou le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le verset 11 dans Sourate Ash-Shura. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est comme lui, rien ne lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Et il dit ensuite, parmi les fruits de la foi en Allah, il y a, ومن ثمرات الإيمان بالله تحرير النفس من الرق لغير الله من المعبودات على اختلاف أنواعها. وجعل العبادة خالصة لله وحده دون سواه. Parmi les fruits de la foi en Allah, il y a le fait de se libérer de l'esclavage, hein, de tout autre que Allah. C'est-à-dire de s'émanciper, de se libérer de, d'être esclave de n'importe quelle autre chose parmi les choses qui sont adorées par les êtres humains. Donc tu vas te libérer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? C'est là que tu deviens un serviteur d'Allah, que tu te libères des idoles, tu te libères des fausses divinités, des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, et tu deviens l'esclave d'Allah seul. Et tu fais que toutes tes adorations soient pures pour Allah seul, et pour rien d'autre en dehors de lui. Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec le premier pilier, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier pilier de la foi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis au prochain cours, on continuera avec la mention des autres piliers, inshallah. Les autres piliers de la foi, la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين